Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Si le clitoris a longtemps été impensé, l'utérus caché, la chevelure voilée, les seins, eux, ont été montrés, dénudés, affichés, jugés, évalués, sexuels ou maternels, esthétiques ou érotiques. Mais bizarrement, ou pas, ceux qui les montrent, les affichent, les jugent, les évaluent ou les dénudent, eh bien ce ne sont pas forcément ceux qui en ont. Si tous les hommes avaient ces seins rebondis, ce sillon mammaire impeccablement dessiné, ces tétons qui pointent à la moindre émotion, à la moindre brise, ces tétons que l'on a envie de mordiller, ces mamelons roses de vie, gorgés d'envie. Eh ben, elle vous intéresse tellement, ma poitrine? Ça faut dire qu'elle a des petits seins en poire hyper excitants. Non mais te mine pas, je dis ça parce que même à travers le chandail, ça se devine. Oui, bon, oui. Je me suis rendu compte récemment qu'en hiver, je suis attiré par les grosses poitrines, alors qu'en été, les poitrines modestes me conviennent parfaitement. Voilà deux petites pommes qui se tiennent par le bras. Pour refaire des seins, tu prends des pastèques, tu vois, avec des petits melons. Combien ça lui coûterait ? Do you like boobs a lot? Yes, I like boobs a lot. Why do you like boobs a lot? You gotta like boobs a lot. Do you like boobs a lot? Yes, I like boobs a lot. Why do you like boobs a lot? You gotta like boobs a lot. Down in the locker room, just we boys, meeting down the locker room with all that noise. Thinking, do you like boobs a lot? Yes, I like boobs a lot. Why do you like? Bonjour, Camille Froidbeaumétrie. Bonjour. Vous êtes philosophe féministe, professeur de sciences politiques et chargée de mission égalité-diversité à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Vous êtes l'autrice de « Seins, en quête d'une libération », un livre que l'on trouve aux éditions Anna Moza, excellente maison d'édition, je le signale. Alors, je vous ai vu rire à ce mix d'extraits proposé par notre réalisatrice Laurence Malonda. Qu'est-ce qui vous a fait rire en fait dans ces descriptions de seins ? Ouais, c'est surtout le premier extrait où on voyait un homme fantasmer totalement sur le alors fait c'est d'avoir OSS 117. D'accord. D'avoir lui-même des seins, en fait. Enfin, quelque chose comme ça. Une forme de, je trouvais ça assez plaisant. Et puis surtout, c'est des extraits qui disent beaucoup, du sujet quasiment principal de mon livre, à savoir que les seins des femmes ne leur appartiennent décidément pas. Oui, c'est une remarque qu'on s'est fait, avec Laurence Malonda, la réalisatrice, en préparant cette émission. C'est-à-dire que tous les extraits qu'on a sont effectivement des extraits où on entend des hommes qui parlent des seins, qui s'imaginent avoir des seins, qui regardent des seins, qui les décrivent, qui les auscultent. Et c'est une chose qui est frappante, en fait. Les seins font partie du corps féminin, mais ils n'appartiennent pas aux femmes. Oui, et ils sont même, je dirais, comme une sorte de synthèse, un condensé de la condition objectivée des femmes. C'est-à-dire que le fait que les femmes sont leur corps et n'ont été très longtemps que des corps, c'est un fait bien connu, puisque depuis à peu près l'aube des temps, c'est-à-dire depuis l'Antiquité grecque, les femmes sont définies par leurs fonctions sexuelles et maternelles, et donc elles sont enfermées dans leur corps, identifiées au travers de ces deux fonctions. Mais cette objectivation, je trouve qu'elle se concentre de façon singulière dans cet organe que sont les seins, puisque on y trouve à peu près le tout de l'objectivation, à savoir la dimension sexuelle, la dimension de l'apparence, et puis la dimension maternelle. Et que c'est pour ça que je dis que les seins sont comme une sorte d'organe phénoménologique par excellence, puisque ils sont à eux seuls en quelque sorte, disons l'exemplification, la présence même de cette objectivation corporelle qui définit l'existence des femmes. Alors ça, c'est très intéressant, ce terme de phénoménologie, car vous êtes philosophe. Et parler de phénoménologie à propos des seins, ça peut être inattendu. Qu'est-ce que c'est qu'une phénoménologie des seins ? C'est ce à quoi vous attelez dans votre livre. Qu'est-ce que vous avez voulu faire par phénoménologie des seins ? Alors, je me suis intéressée à l'expérience vécue d'avoir des seins. C'est-à-dire que j'ai voulu mener l'enquête, donc en rencontrant une quarantaine de femmes, de filles et de femmes, la plus jeune à 5 ans et la plus âgée 76, auxquels j'ai demandé de me retracer le cours de leur existence au prisme de leurs seins, en commençant par l'expérience, on va dire, fondatrice, qui est celle de leur propre allaitement, la question de savoir si leur mère les avait allaités, par exemple. Et puis ensuite, en déroulant et en m'arrêtant à chacune de ces étapes de la vie où les seins jouent un rôle, de leur apparition à une éventuelle maladie, en passant par la maternité, l'allaitement et la sexualité, bien sûr. Et alors, l'approche phénoménologique, alors je m'inscris là dans le sillage hein, d'autrices qui l'ont déployée avant moi, et notamment Simone de Beauvoir, mais ensuite aussi des philosophes américaines dont on aura l'occasion de parler un peu plus tard en les écoutant. Bien sûr. La proposition phénoménologique, alors en fait, il faut ajouter tout de suite le nom de féminisme, hein, puisque la démarche est celle-ci, celle d'un féminisme phénoménologique, ça consiste à explorer les dimensions incarnées de l'existence des femmes pour en révéler à la fois ce qu'elles impliquent eh bien de subordination, d'aliénation, disons le versant négatif de l'incarnation féminine, ce que j'évoquais à l'instant en parlant de cet enfermement des femmes dans leurs fonctions sexuelles et maternelles, mais aussi en ouvrant, et c'est ça qui me paraît presque le plus important dans ma démarche, en ouvrant la perspective d'une pensée du corps féminin, mais qui soit une pensée émancipatrice, et qui permette aussi d'appréhender ces dimensions incarnées sur l'autre versant, qui est qu'elles peuvent être vecteur d'une libération qui passe par un moment de réappropriation de nos corps, qui est, je crois, celui que nous vivons précisément aujourd'hui avec ce nouveau féminisme auquel nous participons. Alors que nous vivons, par exemple, avec des mouvements comme le fait de ne pas porter de soutien-gorge, c'est le no bra. No bra tout court. Il y a aussi le mouvement Free the Nipples, donc c'est libérer les tétons. Est-ce que c'est ça, ce mouvement en fait de libération des seins, c'est-à-dire finalement les montrer, pouvoir les cacher quand on veut, ou est-ce que c'est justement peut-être ne plus y penser? Parce que c'est aussi une question qu'on peut se poser quand on a un corps féminin ou des seins, se dire en fait qu'on peut avoir un rapport assez indifférencié à ses seins. Dans un monde rêvé. Dans un monde féministe rêvé, c'est effectivement l'objectif. Enfin, en fait, que voilà. Les seins ne soient plus un signe d'un corps féminin, c'est ça. Plus encore au-delà de cela, que le corps des femmes ne les définisse plus. Je crois que si on devait définir d'une formule ce qu'est le féminisme, c'est faire en sorte que les femmes ne soient plus définies par leur corps. Et donc, entre autres, ne soient plus ramenées, par exemple, à leurs seins. Et c'est quelque chose... Je crois qu'on est en train d'éprouver et d'explorer aujourd'hui. Sur le versant des seins, la chose n'était pas très flagrante. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai eu envie de faire ce travail. Oui, c'est ce que vous expliquez très bien. On a parlé du clitoris, on a parlé de l'utérus, notamment avec la grossesse, les violences gynécologiques ou les menstruations. Mais c'est vrai que les seins sont un petit peu les grands oubliés de cette révolution corporelle féministe. Oui, alors j'ai qualifié cette révolution de tournant génital du féminisme. C'est, je crois, une séquence qui s'ouvre au début des années 2010, autour de la question des règles précisément, et puis qui se déploie depuis, avec ce point paroxystique que constitue le mouvement MeToo, bien sûr, mais qui n'est qu'un moment dans cette vague, en fait, qui est une vague de réappropriation par les femmes de leur corps, mais de leur corps dans ses dimensions les plus intimes. Et tout s'est en effet beaucoup concentré sur la génitalité, sur les organes génitaux, la question des violences obstétriques et gynécologiques, la question des règles, des maladies associées aux règles comme l'endométriose, et puis la question aussi sur un versant plus positif de la redécouverte du clitoris, de l'exploration du plaisir féminin, etc. Donc, toutes ces initiatives, qu'elles soient militantes ou plus théoriques, forment une sorte de constellation féministe, mais dans ce mouvement, ça m'a frappé d'observer que les seins avaient presque échappé à ce mouvement de réappropriation, et donc j'ai voulu, disons, les réintégrer hein, dans le corps des femmes et dans le féminisme. Alors deux questions à vous poser, Camille Froidevaux-Maitry, c'est que d'une part, ce qui est paradoxal dans le fait que ces seins aient été oubliés, c'est quand même que c'est l'une des choses qu'on voit le plus des femmes, c'est-à-dire sur des pubs, dans des films, dans les discours qu'on a entendus, par exemple. Donc ça, c'est dans l'art. Mais comment vous expliquez ce paradoxe, finalement, que les seins ont été oubliés, alors que finalement, on les voit tout le temps? Ce ne sont pas les seins des femmes que l'on voit. On voit le fantasme des seins des femmes. On voit le lieu de projection, finalement. Oui, on ne voit d'ailleurs qu'à peu près toujours les mêmes seins, des seins idéaux, qui correspondent à ce modèle que je qualifie de demi-pomme, c'est-à-dire des seins qui sont à la fois ronds, haut et ferme, pas trop petit mais pas trop gros non plus. Cet idéal de la demi-pomme, c'est un idéal totalement formaté, qui est donc la projection des fantasmes masculins et aussi d'une idéalisation patriarcale du corps des femmes. Mais les vrais seins des femmes, on ne les voit pas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai souhaité, lorsque j'ai rencontré ces femmes, non seulement donc les interroger, les écouter, mais aussi faire le portrait de leurs seins. Et donc j'ai fait une série de photos, de portraits de leurs seins. Belles photos. Ce sont de très belles photos. Merci. On ne voit pas leur visage, mais ce n'est pas pour les priver de leur subjectivité, mais c'est au contraire pour montrer que la diversité des seins des femmes, elle dit quelque chose aussi de la singularité des corps féminins, elle dit quelque chose aussi de l'importance de rendre visible ce que l'on ne montre jamais, c'est-à-dire non seulement toutes les formes de seins, mais aussi, disons, cette idée que les corps des femmes ne sont jamais les mêmes. Je crois que c'est un des enseignements les plus riches pour moi de cette enquête que j'ai menée, de prendre conscience de la fluidité foncière des corps féminins. Et du rapport qu'on a à eux, d'ailleurs. Voilà, voilà, exactement. C'est-à-dire que les seins ne sont jamais les mêmes, évidemment, en fonction du moment de la vie où l'on se trouve, mais aussi, j'allais dire, quasiment en fonction du temps qu'il fait ou de l'humeur dans laquelle nous sommes, parce que, comme nos visages, c'est une expression que j'aime beaucoup, que nos seins sont comme des visages, ils disent quelque chose de notre identité, de notre personnalité, de l'état dans lequel on est. Et ils disent aussi et surtout que les corps des femmes sont changeants, sont fluides, et ce que ça indique à l'horizon, c'est que de ce fait même, ils peuvent échapper à la prise masculine. Alors l'autre question que j'avais à vous poser, Camille Fravométré, je ne l'ai pas oubliée, c'est que vous avez parlé à travers vos travaux, en fait, c'est ce que vous voulez faire à travers vos travaux, à savoir de retrouver quand même cette dimension corporelle qui a été oubliée par un certain nombre de féministes ou des mouvements féministes, ce qui est en train de changer avec le tournant génital dont vous venez de parler. Mais en même temps, le but de cette révolution féministe serait aussi que l'on ait un rapport, vous disiez, dans un monde idéal, un rapport complètement, je dirais pas oublié, mais en tout cas que le corps ne soit plus autant présent. Donc comment on peut à la fois vouloir réinvestir le corps pour aboutir à une situation où en fait la situation idéale serait que le corps n'apparaisse plus, ne soit plus investi de cette manière ? Il faut que je dise un mot d'abord sur cette question de l'oubli du corps des femmes, parce qu'on peut avoir un premier réflexe de dire mais comment ça, les féministes ne parlent et ne luttent qu'autour de cette question corporelle. Il y a eu un moment fondateur qui est celui des années 70, hein, où le corps des femmes est vraiment au cœur des luttes, notamment en termes de conquête des droits contraceptifs, et aussi sur le versant de la révolution sexuelle. Mais j'ai pu observer que dans les décennies qui ont suivi, eh bien, le corps, ces thématiques corporelles avaient été recouvertes par d'autres combats, et que, un certain nombre d'évolutions, à la fois militantes et théoriques, avaient enfermer cette question corporelle d'une façon un peu trop définitive sur le versant de l'aliénation. Voilà. Le corps sexué des femmes, les dimensions incarnées de leur vie quotidienne, c'était autant d'outils et de vecteurs de subordination et d'aliénation. Ce qui n'est évidemment pas faux, c'est même vraiment le cœur du problème. Mais pour autant, ça a produit une forme de déni, d'oubli, voire de déconsidération chez certaines féministes de ces dimensions incarnées. Au début des années 2000, il était devenu quasiment impossible de s'intéresser à cette question du corps des femmes en théoricienne féministe, ou alors à subir tout de suite le reproche infamant, la suspicion d'essentialisme, de différentialisme, etc. Et je crois que les années qui ont suivi ont montré que ce qui était en train de se produire, c'est qu'on était en train d'oublier que le fait pour les femmes d'avoir un corps sexué produit des discriminations, des violences qui étaient restées hors de la prise féministe et que nous sommes en ce moment même en train de réinvestir. Et pour répondre enfin plus précisément à votre question de ce paradoxe éventuel de la démarche, Simone de Beauvoir le disait très bien, les femmes comme les hommes sont leur corps, ça c'est le postulat phénoménologique de base, c'est-à-dire que subjectivité et corporéité se tiennent ensemble et que dans notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde, eh bien, nous sommes nécessairement incarnés, mais elle ajoutait aussitôt, mais elles sont plus que cela, et en l'occurrence, elles sont aussi, et peut-être surtout, des corps pour autrui, des corps-objets, pour faire court. Et la question qu'elle pose tout au long du deuxième sexe, c'est comment faire pour que les femmes deviennent aussi des corps-sujets. Donc réinvestir la question du corps, c'est pour la désobjectiver et pour pouvoir enfin penser le corps des femmes dans une perspective de subjectivation et de libération. Camille Froide-Vaumétry, vous venez de citer Simone de Beauvoir, le deuxième sexe. Ça tombe bien, on va en entendre un extrait. Ce qui se passe dans la trouble période de formation, c'est que le corps enfantin devient un corps de femme et se fait chair. Sauf en cas de déficience glandulaire où le sujet demeure fixé au stade infantile, s'ouvre vers 12 ou 13 ans la crise de la puberté. Cette crise commence beaucoup plus tôt pour la fille que pour le garçon et elle amène des changements beaucoup plus importants. La fillette l'aborde avec inquiétude, avec déplaisir. Au moment où se développent les seins et le système pileux, naît un sentiment qui parfois se change en fierté, mais qui est originellement la honte. Soudain, l'enfant manifeste de la pudeur. Elle refuse de se montrer nue, même à ses sœurs ou à sa mère. Elle s'examine avec un étonnement mêlé d'horreur, et c'est avec angoisse qu'elle épie le gonflement de ce noyau dur, un peu douloureux, apparu sous les mamelons, naguère aussi inoffensif qu'un nombril. Elle s'inquiète de sentir en elle un point vulnérable. Sans doute, cette meurtrissure est-elle bien légère à côté des souffrances d'une brûlure, d'une rage de dents. Mais accident ou maladie, les douleurs étaient toujours des anomalies. Tandis que la jeune poitrine est habitée normalement par on ne sait quelle sourde rancune. Quelque chose est en train de se passer, qui n'est pas une maladie, qui est impliquée par la loi même de l'existence et qui est cependant lutte, déchirement. Quel texte, Camille Froidvaux-Maîtrise. C'est un extrait donc du deuxième sexe de Simone de Beauvoir dans la section Formation, chapitre 1, Enfance. On vient de l'entendre interprété par la comédienne Elsa Lepoivre. Et alors cette dernière phrase quand même, quelque chose est en train de se passer qui n'est pas une maladie, qui est impliquée par la loi même de l'existence et qui est cependant lutte et déchirement. On vient de parler des seins, Camille Froidvaux-Maîtrise, comme de ce qui peut réifier la femme, en faire un objet. Et Le premier nœud qui se produit quand même avec les seins, ça se produit à l'intérieur de la femme, dans la femme comme sujet. C'est-à-dire que c'est pas tant le regard de l'autre là qui intervient que le sujet avec lui-même qui voit que des seins apparaissent et il se sent lui-même déchiré et il va imaginer, il va avoir honte de son propre corps par rapport aux autres. Mais pour l'instant, l'autre n'intervient pas. Je ne suis pas certaine qu'on puisse vraiment séparer ces deux dynamiques. Parce que, pour une raison évidente, c'est que lorsque les seins apparaissent, par définition, ils apparaissent, c'est-à-dire qu'on les voit. Et donc, pour l'expérience vécue de cette apparition, elle est immédiatement synonyme du regard des autres qui se portent sur soi et qui vient se mêler, effectivement, à le propre regard que la fille pose sur son corps et qui assez vite, pour des raisons qui ont trait justement à ce que l'on apprend aux femmes depuis à peu près toujours, à savoir que, étant donné que leurs corps sont définis comme devant être ultimement à disposition des autres... Ça, c'est un terme qui revient beaucoup dans votre livre, à disposition. Oui, c'est l'idée de la disponibilité corporelle qui me permet de résumer, en fait, qui dit un peu plus que l'objectivation. C'est-à-dire que c'est un objet, mais c'est un objet, comme disait Beauvoir, pour autrui. Et c'est important parce que ça projette immédiatement la fille dans cette condition de disponibilité. Et il y a cette idée aussi très importante dans le texte qu'on vient d'entendre, l'idée de la honte. Pourquoi les filles, que ce soit pour la question de leurs seins et de leurs règles, pourquoi sont-elles de façon aussi immédiate, en quelque sorte, assigné à un sentiment de honte vis-à-vis de leur propre corporéité qui est en train de se sexuer. Pourquoi la sexuation féminine est immédiatement synonyme de honte, c'est-à-dire d'insatisfaction. Alors, on trouve chez une philosophe américaine qui s'appelle Sandra Lee Bartke cette notion que la honte est en quelque sorte quasiment intrinsèquement féminine. Non pas que les hommes ne l'éprouvent pas, mais... Oui, c'est ce que j'allais vous objecter, Camille Froidvaux-Maîtrise, c'est que, en fait, la honte aussi naît au moment de la puberté qui, pour le coup, est assez partagé. Alors, il y a quand même des éléments qui permettent d'observer qu'elle est singulièrement pesante pour les filles. Alors, la honte que Bartke l'a définie comme un sentiment d'inadéquation personnelle par lequel le sujet se sent imparfait, inférieur, diminué. Donc, et avec le sentiment quasi permanent, quasi quotidien pour les femmes, explique-t-elle, de ce que leur corps ne souscrit pas aux attentes sociales et qu'elles sont donc toujours en quelque sorte imparfaites. Donc, et ça, c'est quelque chose de dramatique. J'ai pu l'observer notamment en écoutant les adolescentes que j'ai rencontrées. C'est que finalement, quelles que soient les formes que prennent leurs seins, les injonctions sont si pesantes qu'il est très difficile pour ces filles de développer un rapport sain, serein. Sain au sein. Voilà. Et qu'elles ont immédiatement ce sentiment d'imperfection qui va nourrir en elles le poison de la détestation de soi ou à minima le poison de l'insatisfaction vis-à-vis de son propre corps, qui va aussi nourrir, et ça c'est dramatique, un des ressorts les plus efficaces du système patriarcal qui est l'organisation de la compétition intra-féminine. C'est-à-dire que dans le patriarcat... La comparaison. Là, voilà, que les filles passent leur temps à se comparer, non seulement à s'évaluer elles-mêmes, mais à s'évaluer les unes par rapport aux autres, et qu'elles entrent donc dans cette spirale de la concurrence généralisée qui se pose d'abord sur la question du corps, c'est dramatique, parce que pendant que les filles sont occupées à se soucier de leur apparence, à essayer de l'améliorer par mille façons, eh bien pendant ce temps-là, le monde des hommes continue de tourner sans elles. Pendant ce temps-là, eh bien elles sont détournées, par exemple, de leurs projets en termes d'études ou quels qu'ils soient. Et voilà comment, dès leur plus jeune âge, elles sont en quelque sorte repoussées, enfin voilà, et qu'elles sont objectivées et qu'on les enferme dans l'obsession de ce corps-objet qu'il faudrait toujours améliorer. Alors vous avez parlé d'imperfection, c'est un terme très intéressant en fait, ce terme d'imperfection des seins, parce que quand on grandit, quand on se forme, quand on commence à avoir des seins, effectivement, il y a toujours ce sentiment de ne pas avoir les seins qu'il faut par rapport à son corps, par rapport aux normes. Mais justement, cette imperfection-là, est-ce que on la ressent par rapport à une idée qu'on se serait construite des seins idéaux? Et alors, qui a construit cette image? Est-ce que c'est à travers les films? Est-ce que c'est à travers aussi ce que une philosophe féministe comme Judith Butler pourrait appeler le genre, c'est-à-dire une construction sociale de ce à quoi devrait ressembler le genre féminin? Ou est-ce qu'on se sent, c'est une manière de sentir imparfait de soi par rapport à soi, c'est-à-dire que de fait le sujet est constitué comme étant toujours en manque, il n'est jamais assez bien, on se sent moche. Le pire est quand on rencontre des filles magnifiques et qu'elles nous disent qu'elles se sentent moches aussi. Donc finalement, en fait, c'est aussi quelque chose d'universel, de ce sentiment d'imperfection. Alors cette imperfection-là des seins, est-ce qu'elle est due à ce sentiment-là sûrement universel de d'infériorité et en même temps aussi ces normes construites? Oui, c'est le fruit d'une longue histoire patriarcale, de façonnage et d'appropriation du corps des femmes. La demi-pomme que j'évoquais tout à l'heure, on la retrouve dans l'histoire, par exemple dans l'histoire de l'art, les figurations des madones, des vierges allaitantes montrent tout ce sein quasi tellement parfait qu'on dirait un sein de marbre dans sa raideur. Bon, une fois encore, c'est cette définition fonctionnaliste des femmes qui s'est accompagnée d'un certain nombre de prescriptions et d'injonctions et de diktats, notamment esthétiques, qui varient certes avec le temps, en fonction des modes, mais qui ont cette particularité d'être toujours imposées de l'intérieur des femmes par, a priori, par des hommes. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui, depuis toujours, sont, disons, en position de pouvoir dans à peu près tous les domaines de la société. Et donc, pour ce qui concerne, disons, la caractérisation de ce qui est socialement considéré comme beau, eh bien, ces injonctions-là viennent sont des injonctions masculines. Dans l'extrait qu'on a écouté tout au début, il y a cette réflexion ahurissante de cet homme qui, bah, il aime bien les gros seins l'hiver parce que j'imagine que, je sais pas, c'est confortable, c'est doux. C'est l'homme qui aimait les femmes de François Truffaut. Voilà. Et puis, alors, l'été, les petits seins, ça lui va bien parce que du coup, c'est pour les montrer, c'est plus, bon, c'est ahurissant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dynamique de dépossession radicale qui concerne les seins des femmes dont on n'a pas fini, malheureusement, de sortir. Eh bien, on va écouter un autre extrait d'un film de François Truffaut. Vous allez voir, c'est un petit peu dans le même genre. Oh, ma pauvre poitrine. En tout cas, si j'ai un enfant, je ne le nourrirai pas. Ben, moi non plus, tu vois. Il faudra qu'il se débrouille tout seul. Fais voir un peu. Non, écoute. Mais non, bah écoute, fais voir, qu'est-ce qu'elle a, ta poitrine? Elle a quelque chose? Fais voir. T'es dis donc, ils sont pas pareils, alors. Oh, qu'est-ce que tu dis? T'es complètement fou. Ah non, non, non, je t'assure, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Bon, écoute, c'est pas vrai. Ah si, si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Non, non, c'est vrai. Bah tout le monde est comme ça, alors. Non, non, pas du tout, tu vois. Même pour les différencier, je sais pas, faudrait leur donner un nom, par exemple, Laurel et Hardy. Écoute. Non, non, mais c'est vrai. Je sais pas si tu préfères Don Quichotte et puis celui-là, le petit gros, là, et sans trop ça. Écoute, Antoine, tu me fais pas rire, allez, je te tape. Ah, est-ce qu'on est bien la nuit, au chaud, l'enfant de lit? Est-ce qu'on est bien sur France Culture et écouter cet extrait de Domicile conjugal, le film de François Truffaut, 1970. Alors, on a entendu la voix de Jean-Pierre Léaud, donc Antoine Douanel, faire remarquer à sa compagne Christine, interprétée par Claude Jade, que ses seins n'ont pas la même forme. Alors, c'est quand même un extrait qui, moi, me fait énormément rire parce que j'aime beaucoup le début de « J'allaiterai pas mon enfant ». Donc, ça part quand même sur quelque chose d'assez déterminé. J'ai envie de garder mes seins pour moi. Ce qui est drôle, c'est que le père, enfin, le potentiel futur père, dit « moi non plus, il faudra qu'il se débrouille tout seul ». Et on en vient tout de suite au jugement des seins de Christine, donc interprétée par Claude Jade. Il y en a un plus gros que l'autre. Et elle se sent embarrassée de ce regard porté sur elle. Elle dit « arrête, écoute ». Alors qu'en fait, ce qu'on voit à travers votre livre, mais aussi ce qu'on entend à travers des textes de philosophie féministe, c'est que finalement, les seins, il y en a autant que de femmes. Et on y en a même autant que de pères, je devrais dire. Oui, c'est intéressant d'ailleurs cette question de l'asymétrie, parce qu'effectivement, dans la pluralité des formes de seins, c'est très fréquent que les femmes n'aient pas leurs deux seins identiques, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne montre pas. Comme la symétrie du visage, par exemple. Voilà, on le sait très bien que les critères du beau sont des critères de symétrie, donc ça pose évidemment un problème. Et puis, ce qui est frappant et amusant, c'est vrai, dans cet extrait, c'est à quel point, finalement, cette jeune femme est complètement, oui, dépossédée de ses seins. Puisque, par exemple, en affirmant qu'elle n'allaitera pas, la menace que lui renvoie son compagnon, c'est « si tu ne le fais pas, moi non plus, je nourrirai pas cet enfant et donc il mourra de faim ». Enfin, comme si, voilà, c'est elle et ultimement elle qui est responsable de la vie de son enfant. C'est quelque chose de très frappant. Dans les témoignages que j'ai recueillis sur cette question de l'allaitement, ça m'a vraiment frappé que finalement, cette liberté que les femmes avaient conquis de haute lutte, elle n'est vraiment pas facile concrètement à mettre en œuvre, que les injonctions pèsent toujours sur elle. Alors aujourd'hui, ce serait plutôt dans le sens de l'allaitement, et qu'il est difficile pour une femme qui ne souhaite pas allaiter aujourd'hui de tenir cette position, mais c'est quelque chose finalement dont on ne se sort pas. Et vous avez parlé de cette idée de beauté, c'est intéressant aussi. Est-ce qu'on peut vraiment en finir avec l'idée de beauté des seins? Parce que la question des normes, c'est une question qui donc est imposée par exemple une fabrication historique du genre féminin, de ce à quoi devraient ressembler des seins idéaux. Et puis il y a aussi ce sentiment d'imperfection du sujet avec lui-même, le regard qu'il porte sur lui, ce regard qui est aussi effectivement investi par ces normes-là. Et puis il y a aussi cette idée de canon esthétique. Est-ce qu'on peut vraiment en finir avec cette idée de beauté telle qu'on la conçoit depuis des siècles, en termes de symétrie, en termes de rondeur, en termes de volume? Est-ce que les seins peuvent être débarrassés de ça? Oui, j'aime bien cette formule. J'ai titré un des chapitres du livre ainsi, pour en finir avec la beauté des seins. Pour s'extirper de ces normes, il faut rendre visible ce qui reste caché. Il faut rendre visible des seins de toutes les tailles, de toutes les formes, mais aussi des aréoles de toutes les tailles et de toutes les formes et de toutes les couleurs, mais aussi des tétons de toutes les formes. Mais on parle des seins dans leur globalité, alors qu'il faudrait déjà... Voilà, préciser. Et puis il faut aussi montrer des peaux de toutes les couleurs et de toutes les natures. Il faut aussi montrer des imperfections, comme des vergetures, etc. Autant de choses qu'on ne voit pas parce que elles sont stigmatisées, considérées comme laides et donc comme infamantes. Alors je me réjouis d'observer qu'aujourd'hui de nombreuses jeunes féministes font ce travail de visibilisation, de publicisation de la diversité des corps des femmes, et c'est très important de le faire. Mais j'observe aussi malheureusement que l'inventivité, notamment des grands groupes commerciaux, n'a pas de limite et qu'on ne cesse de réinventer sans cesse de nouvelles injonctions concernant les seins. La pire des inventions a été celle qui a eu lieu dans les années 90, et je pense que c'est pas un hasard, qui est l'invention du push-up, c'est-à-dire du soutien-gorge rembourré, destiné à augmenter le volume des seins, à les remonter, à les faire pigeonner. Pourquoi je dis que c'est pas tout à fait anodin et par hasard? C'est parce que il me semble que les femmes doivent toujours payer, d'une façon ou d'une autre, le prix de leur émancipation. Dans les années 90, on est à un moment où on sort d'une séquence d'investissement social massif, c'est-à-dire que les femmes ont investi le monde professionnel dans tous les domaines et à peu près à tous les échelons. En tout cas, elles sont en train de le faire. Et dans le même moment, on leur rappelle qu'il ne faut pas qu'elles oublient qu'elles sont bien toujours des corps et qu'elles doivent rester ces corps à disposition. Et je trouve que les soutiens-gorge qui avaient été inventés au début du XXe siècle pour libérer les femmes des corsets se recorsettisent en quelque sorte avec cette invention à la fin du XXe siècle. Et ils deviennent des instruments de formatage à échelle industrielle et à l'échelle, j'allais dire, planétaire, puisqu'on a vu exploser cette offre commerciale de soutien-gorge coquet rembourré, hors desquels il n'y a pas de soutien possible en quelque sorte. Et je crois que c'est beaucoup moins futile et superficiel qu'on peut l'imaginer, parce que ce que l'on peut repérer ainsi, c'est à quel point la logique patriarcale d'objectivation est puissante, puisqu'elle ne cesse de trouver les moyens de toujours réenfermer les femmes dans leur corps et leur rappeler que ceux-ci doivent toujours et encore souscrire à des normes qui leur sont imposées d'en haut. Un fétiche est un objet qui tient lieu du phallus. Le phallus est tant que seule et unique mesure et symbole du désir, représentation de la sexualité. Or, notre culture fétichise les seins. Ils sont le symbole de la sexualité féminine. Donc, les meilleurs seins sont ceux qui ressemblent au phallus, hauts, durs et pointus. Il y a 30 ans, il était de rigueur de les enfermer dans une armure de caoutchouc et d'élastique qui les soulevait et les faisait pointer droit devant. La mode d'aujourd'hui s'est un peu relâchée, mais les contours fondamentaux demeurent. Certains seins paraissent mieux que d'autres. Quant aux seins idéaux, ils ressemblent à ceux de Barbie. Nous faisons l'expérience de notre objectivation en fonction du regard d'autrui, ce regard masculin qui évalue et s'impose d'en haut. Nous éprouvons notre position en tant qu'elle est instituée et fixée par un sujet qui se tient en surplomb, qui jauge et qui juge avant même d'exprimer son admiration ou son dégoût. Lorsqu'une fille s'épanouit dans l'adolescence et qu'elle se présente hardiment au monde, le buste en avant, elle fait l'expérience inédite d'être regardée comme elle ne l'a jamais été. Les garçons remarquent ses seins ou leur absence, ils les fixent et se permettent des remarques. Elle peut apprécier l'attention dont elle fait l'objet et ressentir ses regards sur sa poitrine avec un sentiment de puissance sexuelle. Elle peut détester cela et redouter d'être scrutée et moquée. Elle prendra alors soin de dissimuler ses seins en courbant ses épaules ou en portant des vêtements amples. Si elles ignorent la plupart du temps les regards objectivants, les filles en développent cependant un sentiment d'ambiguïté et d'incertitude quant à leur propre corps. Il y a très certainement autant de façons de réagir aux regards évaluateurs sur la poitrine qu'il y a de tailles et de formes de seins, mais très peu de femmes parviennent à faire abstraction de ce regard qui les transforme en objet. Quel est le saint des saints? Quel est le saint sacro saint? Je ne sais plus, faut l'avouer, à quel saint me vouer? Quel est le saint, s'il vous plaît, qui a le meilleur lait? Je ne sais plus, faut le noter, à quel saint t'étais? Y a les saints d'où les saints. Camille Fragometri, on vient d'entendre un extrait d'un texte que vous pourriez nous présenter, car c'est vous qui nous l'avez indiqué, ce texte. Oui, c'est un texte extrait d'un volume très important pour moi, qui est celui qu'a écrit Iris Marion Young, qui s'appelle « Lancer comme une fille ». Alors, « Lancer comme une fille », c'est un des autres textes du volume. Celui-ci est intitulé « Breasted Experience », donc c'est difficile expérience, à traduire. L'expérience d'avoir des seins, bon, mais... Ah oui, c'est intéressant, ouais. Et alors, c'est une philosophe qui est importante pour moi parce que c'est elle qui, je crois, a donné sa forme contemporaine au féminisme phénoménologique. Alors, c'est un texte qui date de 1990, c'est ça ? Voilà. Ouais. Le féminisme phénoménologique a été posé dans ses fondements par Simone de Beauvoir avec Le deuxième sexe, hein, qui est un ouvrage dont on retient beaucoup et un peu trop, je crois, la dimension, disons, une forme de détestation corporelle, mais dont on oublie que sur le versant phénoménologique et existentialiste de la proposition, il y a vraiment cette ouverture sur le fait que la vie des femmes est une vie de liberté et qu'elles peuvent se réapproprier cette liberté qui est le propre de l'existence d'un individu et qu'elles peuvent le faire de façon incarnée. Et elle dit dans la conclusion du deuxième sexe que pour une femme, nier sa féminité, ce serait s'amputer d'une partie de son humanité. Bon, elle dit ça à peu près. Alors évidemment, quand elle parle de féminité, c'est pas au sens où on l'entend communément. Oui, c'est ça, parce qu'il faut faire une distinction quand même entre, on parle le corps féminin et il y a aussi la féminité. Et la manière dont on parle des seins relèverait d'une forme de féminité, de canon de la féminité, alors que là, on parle vraiment, on essaye vraiment de la phénoménologie des seins est vraiment une manière d'approcher les seins de manière féminine et pas esthétiquement de la féminité, de la féminité. Oui, alors c'est une distinction effectivement très importante. Je vais peut-être rebondir parce que c'est crucial. La féminité, en effet, enfin la féminité renvoie à un ensemble de représentations que l'on considère comme indissociablement liées au fait pour les femmes d'avoir un corps féminin. Il y a trois injonctions principales qui relèvent de la féminité. J'ai déjà évoqué la disponibilité sexuelle, il y a aussi le dévouement maternel et puis une forme de minoration sociale. Ces représentations relèvent d'un autre âge, en tout cas elles sont intimement inscrites dans le terreau du système patriarcal et elles ne recouvrent pas ce que j'appelle moi le féminin qui certes renvoie à certaines caractéristiques incarnées, mais qui, par exemple, n'implique pas le fait d'avoir des seins ou d'avoir un utérus. Je définis le corps féminin, enfin en tout cas, je définis le féminin comme un rapport à soi et aux autres et au monde qui est nécessairement incarné et qui est de ce fait déterminé par le corps. Et le mot important, évidemment, ici, c'est nécessairement. Je veux dire par là que les hommes peuvent tout à fait vivre comme s'ils n'avaient pas de corps. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'en soucient pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne subissent pas un certain nombre d'injonctions eux aussi, mais les caractéristiques de leur corps masculin ne changent rien à leur place dans le monde et surtout au fait qu'ils possèdent des privilèges éminents du fait de leur situation dominante dans le passé. Il y a quand même des injonctions qui pèsent aussi sur les corps masculins. Il y a plusieurs ouvrages sont sortis sur cette question-là. Mais, comment dire, il n'y a aucune comparaison possible et aucune mesure possible entre ce que subissent les femmes du fait même d'avoir un corps féminin en termes de discrimination et de violence et ce que subissent les hommes par le fait d'avoir un corps sexué masculin. Et de fait, voilà, c'est vraiment, il n'y a aucune comparaison possible. Et donc le féminin dans cette perspective, c'est essayer de penser, ce que je fais avec ce projet sur les seins, essayer de penser comment on peut se réapproprier la dimension d'émancipation et de libération qui va avec le fait cette réincarnation. Oui, voilà, cette réappropriation. Bon, et alors le Jung, elle est importante parce que elle part de Simone de Beauvoir qu'elle a lu et qu'elle discute, et puis elle ajoute quelque chose qui est très important, qui est l'apport des études de genre. Donc elle écrit au début des années 90. En effet, aux États-Unis, le concept de genre s'est déployé depuis les années 80, et donc elle raisonne dans ce cadre des structures de pouvoir genrées qui ont été mises en évidence par les études de genre, c'est-à-dire cette idée que les rôles et les fonctions soi-disant féminines ou masculines sont historiquement et socialement construites et qu'on peut donc les déconstruire et qu'on peut donc s'essayer à extirper notamment les femmes des rôles auxquels elles ont été assignées. Et ce qu'elle essaye de faire dans sa phénoménologie incarnée précisément, c'est de déployer, d'explorer les modalités incarnées de l'existence des femmes pour en montrer évidemment tout ce qui perpétue l'aliénation, mais aussi pour montrer tout ce que les ouvertures possibles vers l'émancipation. Alors voilà, j'aimerais vous poser cette question parce qu'on a beaucoup parlé effectivement du versant aliéné en fait des seins. On voit bien d'ailleurs le texte de Iris Marion Jung est vraiment très intéressant à ce niveau-là parce qu'elle parle vraiment de regard masculin, ce qui fait écho quand même à toutes les thèses actuelles sur le male gaze, à savoir ce regard masculin dans les œuvres type film ou même roman. Ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est que on sent poindre une manière de se libérer à travers ce lieu qui est aussi aliéné, à savoir les seins. Et ça apparaît à la fin. Elle dit qu'il y a autant, très certainement autant de façons de réagir au regard évaluateur sur la poitrine qu'il y a de taille et de forme de seins, mais très peu de femmes parviennent à faire abstraction de ce regard qui les transforme en objets. Alors moi, j'aimerais savoir quelle est cette manière de réagir au regard évaluateur sur la poitrine et comment, en fait, cette réaction peut-elle autant tenir à la personne qui l'incarne, qu'a aussi peut-être une manière de le faire collectivement. Alors sur la dimension collective, Jung évoque une expérience dont elle a été témoin dans la Californie des années 70-80, d'une communauté de lesbiennes dans laquelle ces femmes vivaient donc entre femmes, de façon non mixte, et torse nu. Et éprouvaient donc au quotidien ce qu'elle décrit magnifiquement comme leur torse et leur sein devenaient comme leur visage aussi expressif et aussi important dans la définition de chacune de ces femmes que leurs yeux ou que leur bouche. Alors évidemment, c'est un petit peu compliqué à expérimenter concrètement cette libération de nos torses nus, mais on peut le faire collectivement, je crois, justement par des initiatives et des propositions qui consistent, comme je le disais tout à l'heure, à rendre visible la diversité de nos corps, mais aussi à rendre audibles nos revendications en termes de libération et de possibilité d'éprouver nos corps librement. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement cette idée qu'il y a autant de façons de réagir, mais alors on peut réagir à la fois de manière particulière à ce regard évaluateur sur nos seins. Moi, par exemple, si un jeune homme regarde ma poitrine, je vais pouvoir lui répondre. C'est ça, en fait, cette manière de réagir. Est-ce que cette manière particulière qui tient à moi, finalement, est une question uniquement de particularité? Parce que cette manière de revendiquer autant de formes de seins que de réactions, c'est aussi une manière peut-être de morceler une réponse qui pourrait être collective à ce regard objectivant des seins. Tout cela s'inscrit, je crois, dans cette dynamique là que nous vivons, qui est, je crois, éminemment collective, qui consiste à réinvestir la corporéité au travers d'un certain nombre de revendications, alors qui peuvent paraître à chaque fois singulières puisqu'elles se concentrent sur une des dimensions incarnées de nos vies, mais qui, prises ensemble, forment quelque chose qui a une puissance de transformation dont je crois qu'elle est assez irrésistible. Et pour ce qui concerne les seins, je crois que la première des actions, en quelque sorte, c'est de nous efforcer de faire en sorte que pour les jeunes filles d'aujourd'hui, l'apparition de leurs seins et leur entrée dans leur corps sexué puisse être vécue de façon sereine, qu'elles puissent accepter leur corps tel qu'ils sont, qu'elles puissent, pourquoi pas aussi, aller jusqu'à les aimer, à les apprécier, pour pouvoir ensuite les éprouver de façon positive. Comment ça peut se produire, justement, cet amour de ces seins, alors, le fait de les rendre visibles sans non plus qu'ils soient objectifiés? Ça peut se produire par toutes les initiatives qui se déploient aujourd'hui dans l'espace public. Et puis ça se produit aussi par ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire d'en parler, d'écrire des livres à ce propos, et puis de parler de choses dont on parle trop peu, par exemple. Et c'est, je crois, ce serait peut-être l'ultime étape de cette libération des seins. Une fois qu'une fille ou une femme est en mesure d'accepter son corps tel qu'il est et de l'apprécier tel qu'il est, elle peut accéder donc à une expérience vécue positive, et notamment sur le versant de la sexualité, parce que les seins sont aussi le lieu d'un plaisir possible, qui est totalement minoré, hein, puisque dans le schéma, dans le script hétérosexuel dominant, les seins sont au mieux un moment des préliminaires. Ils constituent en fait d'abord une sorte d'appât, puisque c'est peut-être la première étape après le baiser, que les mains se posent sur les seins. Et puis ensuite, on passe à autre chose, c'est-à-dire à ce qui est considéré comme étant le plus important, à savoir la génitalité, la pénétration d'un vagin par un pénis. Or, les femmes, et notamment parmi celles que j'ai rencontrées, les lesbiennes qui m'en ont parlé, me disent que les seins peuvent être un lieu inouï de plaisir, pour peu, évidemment, qu'ils soient investis comme tels. Oui, il y a des très beaux témoignages dans votre livre, effectivement, sur notamment une femme qui raconte aussi qu'une expérience sexuelle avec un homme lui a révélé que les seins étaient une zone qui n'avait pas été investie, explorée jusque-là, alors qu'elle avait à peu près une quarantaine d'années. Oui, elle a eu cette chance. Voilà. Mais c'est bien qu'on le dise, parce que ça veut dire que toutes les autres ne l'ont pas forcément. Et ça, c'est quelque chose aussi de... Ça fait partie de ces combats contemporains concernant la... C'est pas une question de droit au plaisir, c'est simplement de rappeler que une relation sexuelle épanouissante et gratifiante, d'abord c'est une relation qui est fondée sur la notion de consentement, c'est-à-dire que je qualifie moi comme un processus de reconnaissance de la singularité du désir de l'autre. C'est-à-dire que le consentement, c'est pas un acte quasi juridique qui consisterait à énoncer en amont ce que l'on est d'accord pour faire ou ne pas faire. C'est l'apprentissage, notamment durant les années de l'adolescence, du respect de son propre corps, du corps de l'autre, et de la reconnaissance de ce que nos désirs sont singuliers, et que quand les corps se rencontrent, eh bien, il y a quelque chose qui se dit et qui s'exprime de ce que l'on est désireux ou pas de faire, ou ce que l'on refuse de faire. Et donc, dans l'acceptation de cette sexualité placé sous le signe du consentement, il y a quelque chose qui s'ouvre, une voie qui s'ouvre vers le plaisir. Alors il y a une chose qu'on a un tout petit peu abordée, mais j'aimerais beaucoup qu'on y revienne, Camille Froidevaux-Maitry, c'est la question de l'allaitement. Clotilde se décida à lui redonner le sein. Déjà l'enfant sentait, se soulevait, tâtonnait des lèvres. Quand elle lui eut posé la bouche, il eut un petit grondement de satisfaction. Il se rua tout en elle, avec le bel appétit vorace d'un monsieur qui voulait vivre. Il tétait à pleines gencives, avidement. D'abord, de sa petite main libre, il avait saisi le sein à poignée, comme pour le marquer de sa possession, le défendre et le garder. Puis, dans la joie du ruissellement tiède dont il avait plein la gorge, il s'était mis à lever son petit bras en l'air, tout droit, ainsi qu'un drapeau. Et Clotilde gardait son inconscient sourire à le voir si vigoureux se nourrir d'elle. Les premières semaines, elle avait beaucoup souffert d'une crevasse. Maintenant encore, le sein restait sensible, mais elle souriait quand même, de cet air paisible des mères, heureuses de donner leur lait, comme elles donneraient leur sang. Une mère qui allaite, n'est-ce pas l'image du monde continué et sauvé? Elle s'était penchée, elle avait rencontré ses yeux limpides, qui s'ouvraient ravis, désireux de la lumière. Que disait-il, le petit être, pour qu'elle sentît battre son cœur sous le sein qui l'épuisait? Quelle bonne parole annonçait-il avec la légère succion de sa bouche? À quelle cause donnerait-il son sang lorsqu'il serait un homme fort de tout ce lait bu? La mère idéale, d'abord, elle est sommée d'allaiter son enfant. Elle est sommée par qui? Ça a été une décision prise par l'OMS et l'UNICEF à la suite de pressions très fortes d'associations pro-allaitement d'origine américaine et en particulier liées au mouvement chrétien traditionnaliste de l'Amérique. Et du coup, il y a une directive qui demande au pays de décréter le primat de l'allaitement maternel. Mais attention, un allaitement de 6 mois exclusif, de préférence à la demande, c'est-à-dire la mère doit être disponible pour son bébé 24 heures sur 24, et pour que ce soit le mieux possible, il faudrait qu'elle continue jusqu'à 2 ans une alimentation mixte. Ce qui signifie, qu'on le veuille ou non, une sorte de retour de la femme à la maison pour le bien de l'enfant. Camille Froidevaux-Maitry, il vous reste peu de temps pour réagir, donc je vais vous donner tout de suite sur la parole sur cette archive d'Elisabeth Badinter sur France Inter. C'était il y a à peu près un an, en 2020, donc sur cette injonction à l'allaitement. Et puis juste avant, on a entendu, interprété par Elsa Lepoivre, un extrait du docteur Pascal, une description d'un allaitement comme on entend peu, à savoir du point de vue de l'enfant et non pas forcément d'un homme, mais vraiment de l'enfant et de la mère dans quelque chose qui peut paraître plus équilibré dans un rapport entre la maman et le fils. Oui, il est très beau ce texte. Et puis, alors c'est vrai qu'il y a ce point de vue assez inhabituel, mais ce que j'entends aussi, avec notamment l'évocation du sang que perdrait cet enfant par la suite, à quelle cause il donnerait son sang, c'est cette opposition que l'anthropologue Françoise Héritier a mis en évidence entre le lait, qui est un fluide que les femmes perdent en quelque sorte de façon involontaire, comme leurs règles, et le sang que les hommes, eux, perdent de façon volontaire à la chasse ou à la guerre. Et chez Héritier, cette dichotomie entre la perte subie et quasiment, d'ailleurs il y a l'adjectif dans le texte, inconsciente, de ces liquides et de ces fluides féminins d'un côté et la dimension volontaire du côté masculin, ça fonde selon elle ce qu'elle appelle la valence différentielle des sexes, c'est-à-dire ça fonde la hiérarchie ultime entre d'un côté celles qui subissent et se soumettent et de l'autre ceux qui prennent et qui conquièrent. Bon, ça c'est j'ai trouvé ça très intéressant de retrouver ces deux liquides, le lait et le sang dans le même texte. Et puis alors, pour ce qui concerne Elisabeth Badinter, c'est aussi... C'est bien parce qu'on entend un texte d'un côté où on a l'impression que l'allaitement est un moment heureux de partage, et puis d'un autre côté, ben, on a aussi un versant plus réaliste, peut-on dire, qui est que pour allaiter, encore faut-il avoir les conditions matérielles pour le faire. Oui, alors ce que dit Badinter et qui m'intéresse, dans le sens où ça me pose problème, c'est que elle est typique, elle est représentative d'un féminisme universaliste qui refuse absolument de prendre en considération les dimensions incarnées de l'existence des femmes. Et ce qui l'a conduit à être dans cette posture d'une forme de rejet et d'exaspération vis-à-vis de l'allaitement maternel. Elle a, dans un de ses ouvrages, une autre phrase qui m'avait frappée, elle disait que le bébé était le meilleur allié de la domination masculine, avec cette idée que les femmes, quand elles sont ramenées aux dimensions maternelles de leur existence, sont réenfermées dans leur ancien statut. C'est fort heureusement plus ainsi que les choses se passent, puisque les femmes ont la liberté notamment de pouvoir allaiter ou de ne pas allaiter. Et je crois que ce déni d'un certain féminisme des conditions incarnées de la vie des femmes a produit des dommages qui sont en train d'être réparés en ce moment, mais qui ont été, je crois, assez puissants dans une forme de refus et d'impossibilité de poser des droits, de revendiquer des droits qui sont associés à ces dimensions sexuées et incarnées que nous vivons. Quand je dis femme, je l'entends au sens très large, hein, des femmes cis et des femmes trans, ça c'est quelque chose de très important parce que le plus difficile, en tout cas ce qui m'importe le plus dans cette démarche phénoménologique, c'est d'essayer de penser en féministe le corps féminin sans tomber dans le piège de l'essentialisme. Voilà, c'est ça le grand danger. C'est un danger que je crois on peut contourner à partir du moment où on dit précisément, par exemple, que la maternité ne définit plus la condition féminine contemporaine. Aujourd'hui, que les femmes aient des enfants ou qu'elles n'en aient pas, ce n'est plus un destin. Et à partir de là, on peut refaire un retour au corps féminin, puisqu'il est, d'une certaine façon, affranchi de ce destin maternel auquel il avait été condamné pendant des siècles. Merci beaucoup Camille Froidot-Maîtris, vous avez tout donné sur ces dernières minutes, bravo. Je recommande votre livre « Saint en quête d'une libération » donc aux éditions Anna Moza, mais aussi « Le corps des femmes, la bataille de l'intime » aux éditions Philosophie Magazine, « La révolution du féminin » aux éditions Gallimard, et je vous laisse un peu de temps pour parler d'un documentaire qui sort lundi, qui s'appelle « Les mâles du siècle ». Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, en deux mots, et merci beaucoup de me permettre de le faire. « Les mâles du siècle », c'est un documentaire sur ce que le féminisme a fait aux hommes, ou pas, qui sort ce 8 mars, dont je suis la conseillère scientifique et qui sera disponible en VOD sur le site lesmalesdusiècle.com. Et c'est un documentaire qui permet d'entendre et d'observer comment le féminisme produit des effets, ou plutôt pas parfois. Et ce qui est fascinant, c'est cette question de l'objectivation corporelle dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Elle éclate de mille façons dans ces témoignages que nous avons recueillis auprès d'une trentaine d'hommes. C'est un documentaire de Laurent Maîtris et on mettra le lien sur notre site à la page des Chemins de la philosophie pour pouvoir le regarder dès lundi. Grand merci Camille Froidot-Maîtris. Merci à vous. T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là. C'est Clara Luciani, la grenade pour clore cette émission sur les seins. Vous écoutez donc bien France Culture, il est 10h53 et c'est l'heure de retrouver Aurélien Bélanger pour sa chronique philo. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Géraldine. Pourquoi est-il important d'acheter des choses sur Amazon ? Ah oui, éclairez-nous. Alors j'évoquais l'autre jour la série The Expanse, un space opéra classique et très réussi d'exploration spatiale. Je voudrais y revenir avec, veuillez m'en excuser par avance, avec un spoiler, un double spoiler même. J'adore au passage ces codes nouveaux qui font genre je suis hyper moderne alors que quand tout le monde aura fini par comprendre que le concept de spoiler est débile, ça paraîtra horriblement daté. Alors là je dois tout de suite vous interrompre, pourquoi vous dites que le concept de spoiler, de divulgachage comme on dit maintenant, est débile. Bah, pour plein de raisons, mais essentiellement une qui tient à ce que je relis les livres et que je crois à chaque fois que Julien Sorel ou qu'Emma Bovary vont s'en sortir cette fois. À la limite, le seuil spoiler, ce serait de connaître la date de notre mort. Et franchement, même, on en a une bonne approximation au demi-siècle près. Et ça ne nous empêche ni de nous croire immortels, ni de penser tout le temps à notre mort. Genre, on achète des livres qu'on range avant de les avoir lus. Alors c'est pour ça que c'est important d'acheter des livres sur Amazon, pour faire tenir votre argument un peu douteux quand même sur la légitimité du divulgachage. Je ne répondrai évidemment pas à cette question, et je divulgacherai quand même, doublement, d'un point de vue narratif et d'un point de vue méta-narratif. Ainsi, à la fin de la saison 3 de The Expanse, l'exploration du système solaire s'achève avec l'apparition d'une authentique nouvelle frontière, un portail qui donne sur quantité de monde, et ça donne hyper envie à tout le monde, sauf Sci-Fi, la chaîne qui produisait la série. Un mystérieux mécène, fan de la première heure, va alors la sauver, Jeff Bezos lui-même, le fondateur d'Amazon. La série sera désormais diffusée sur le service Prime, le même qui permet de recevoir ses colis en un jour. Le storytelling est parfait. Maintenant qu'en plus Bezos a annoncé qu'il allait prendre du champ vis-à-vis d'Amazon, il a vu The Expanse, il va maintenant se consacrer à ses petites fusées et partir dans l'espace pour de vrai. Sauf que devant le portail cosmique de la fin de la saison 3, j'ai vu autre chose, ces anneaux dorés qui donnaient sur tous les coins de l'univers m'ont rappelé dans les halls d'immeubles ces grands murs de boîtes aux lettres. Jeff Bezos, l'homme qui a vu le destin de l'humanité devant un mur de boîtes aux lettres. Bah oui, parce qu'en y réfléchissant, c'est évident, il leur doit tout à ces boîtes aux lettres. C'est presque arrivé mécaniquement. Partout dans le monde, des millions de facteurs y font entrer avec difficulté ces colis marrons, ceux d'Amazon, et toute cette énergie accumulée ressort de l'autre côté sous la forme purifiée des étincelantes fusées Blue Origin. Même Marx n'aurait pas rêvé d'une transmutation si accomplie de la plus-value. Il est important d'acheter des choses sur Amazon pour faire triompher une utopie spatiale de type marxiste. C'est ce que je pensais au début. Mais j'ai retourné la question dans tous les sens, c'est ce qu'on dit en général quand on a une intuition injustifiable, et j'en suis arrivé à la conclusion presque inverse. Quel réactionnaire ce Jeff Bezos ! Son rêve, à l'ère de la fin du courrier papier, consiste à sauver nos boîtes aux lettres. Son utopie, à l'ère de la dématérialisation des échanges, consiste à revenir presque au troc et au culte des choses matérielles, à l'ombre de ces grands dieux inutiles que les habitants de l'Amazonie guyanaise voient parfois décoller. On a beaucoup tenté, des études post-coloniales à l'anthropologie inversée de Bruno Latour, de montrer que nous ne sommes en rien plus modernes que les sociétés amazoniennes. Il n'y a aujourd'hui qu'à observer les comportements des abonnés Amazon Prime pour s'en convaincre tout à fait. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture, à la page de votre chronique philo. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie. Voilà, je remercie l'équipe Laure Blanqui, Baptiste Botella qui a aussi préparé cette émission, Manon de la Selle, Jules Barbier, Anaïs Isbert, Laurence Malonda à la réalisation, Adèle Vendrette que vous retrouverez très bientôt à ce micro et à laquelle on pense très fort, Elsa Le Poivre à la lecture des textes et puis avec à la prise de son aujourd'hui Clément Daté. Rendez-vous demain pour la suite de notre semaine autour du corps féminin et demain pour cette dernière émission, nous serons en compagnie de Shala Shafik pour ce sujet « Couvrez ces cheveux que je ne saurais voir » ou « La place de la chevelure dans la religion ». Rendez-vous aussi sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie ou sur la nouvelle application de Radio France pour écouter toutes nos émissions. Et puis bien sûr, il reste les réseaux sociaux pour nous laisser vos commentaires et vos questions. Twitter, Instagram et bien sûr Facebook.